Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 4, colonne 4. Central Falls, Rhode Island. Madame Benjamin Darby a été victime des morsures d'un chien samedi après dîner. En rentrant chez elle, elle trouva Madame Pierce sur son chemin, souffrant de maladie et ayant besoin d'assistance. Elle la reconduisit avec bonté jusqu'à la barrière du jardin et là, de peur du chien, elle s'arrêta. Madame Pierce la pria de l'accompagner jusqu'à la porte. En se retournant, le chien lui courut après et la mordit à la jambe. C'est la troisième fois que ce chien mord des femmes et il a un mauvais nom dans le voisinage. Dernièrement, l'hôpital de l'État, de Providence, refusait l'entrée à une négresse malade de la gangrène parce qu'il n'y avait pas de disposition de chambre isolée pour la malade. Le médecin qui l'accompagnait la conduisit à la chambre de réception et est parti avant que la direction ait pris connaissance de la nature de la maladie. Cette femme est dans une condition horrible et on la garde à l'hôpital en attendant le moment favorable pour opérer l'amputation du pied. Il y a environ un mois qu'un homme de l'âge moyen vint avec sa famille en ce village et loua un logement au lieu appelé Switch House Lane. Son nom est William Gurnett et il arrivait de Dodgeville. Par son parler agréable et une instruction sur les affaires en général, il fit de suite plusieurs connaissances, spécialement chez les propriétaires de magasins. Il avait trouvé de l'ouvrage à la manufacture Stafford. La semaine dernière, il dut s'absenter par deux fois, et pour ses voyages, il loua un cheval et une voiture à M. Cavanaugh, propriétaire d'une écurie de louage. À son retour, il présenta ce dernier pour le payer un chèque de $27.75 sur la compagnie manufacturière Slater. Cavanaugh lui rendit $23.75 en argent, mais le chèque était faux. De là des démarches nombreuses de Cavanaugh pour rentrer dans ses fonds et obliger Gurnett de le payer. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.